La mise en onde est assurée par Albert Douayo. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce samedi 31 juillet 2021. Donc voici d'abord les grands titres. Insécurité à Gihanga, c'est en province d'Obubanza où une personne a été blessée au cours de cette nuit à cause d'une attaque armée perpétrée dans cette localité. Vous l'entendrez dans cette édition. À Mwaro, l'on rapporte les préparatifs pour la mise en application de la loi portant la stabilisation permanente sur les collines de la commune Gisozi en cette province avec cette plantation des fourragères. Vous l'entendrez également dans cette édition. On va également vous parler des feux de brousse dans la province de Bururi. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, une personne a été grièvement blessée au cours de cette nuit lors d'une attaque armée perpétrée à Gihanga entre la 8e et la 9e transversale. C'est sur la route nationale numéro 5 et la route nationale Bujumbura-Rugombo. La victime est un chauffeur d'un camion de la société Buseko qui se rendait en province de Cibitoke selon des sources administratives à Gihanga. Des tirs nourris ont été entendus pendant quelques minutes selon les habitants des environs. L'administrateur de la commune Gihanga précise que l'intervention des militaires a été rapide pour limiter les dégâts. Léopold Ndayisaba demande à la population en général et au comité mixte de sécurité en particulier d'être vigilants et de donner des informations sur les gens suspects après l'attaque. Les hommes armés se sont repliés vers la réserve de Rukoko. À Mwaro, comme je vous le disais tout à l'heure, des préparatifs pour la mise en application de la loi portant stabilisation permanente sur les collines de la commune Gisozi de la province Mwaro sont au bon fixe. Des éleveurs de certaines collines de cette commune disent qu'ils ont des plantes et fourragères dans leurs champs. Ils déplorent pourtant le manque d'aura s'améliorer. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Mwaro reconnaît cette situation mais tranquillise ses éleveurs de Mwaro, Lydie Kahimbaj. Nous sommes sur la colline Gatale, commune Gisozi, à 3 km de la province Mwaro. Un éleveur que nous avons rencontré chez lui affirmait qu'il s'est préparé à la stabilisation permanente en plantant des plantes fourragères comme des tripsacum. Nous avons planté des tripsacum sur les pourtours de nos terres cultivables tout au long des courbes de niveau. Nous nous sommes également rendus sur la colline Gisozi à 800 mètres de la commune. Nous avons visité des éleveurs qui ont commencé déjà la stabilisation. Ils affirmaient qu'ils ont mis un pas en avant dans les préparatifs à la mise en application de cette loi. Nous sommes prêts à mettre en application cette loi sur la stabilisation permanente. Selon ces éleveurs, des défis ne manquent pas malgré la plantation des plantes fourragères. Le défi est que nous n'avons pas d'espace cultivable assez étendu. Ce type d'élevage exige un vétérinaire permanent pour soigner et suivre régulièrement la santé des animaux. Mais nous sommes dans les possibilités de le faire. Nous avons besoin aussi de taureaux de race améliorée pour s'accoupler avec nos vaches. Et sur cette colline, on ne peut trouver plus de 2 taureaux. C'est un grand problème. Nous demandons aux autorités habilitées de diversifier les plantes fourragères, notamment ceux qui donnent le rendement en assez peu de temps. Sur ces préoccupations, le directeur du bureau provincial chargé de l'agriculture et de l'élevage à Mwaro, Libère Ndokiranevier, les tranquillise. Nous avons mis en place dans chaque zone une pépinière qui va s'occuper de la production des arbres fourragers, notamment le caliandra et les autres arbres fourragers. Cependant, il souhaite avoir des techniciens pour l'insémination artificielle car la province présente cette préoccupation. Nous souhaitons avoir au moins des techniciens pour l'insémination artificielle pour chaque zone parce que nous avons un seul inséminateur provincial. Vous voyez qu'il ne peut pas parcourir toute la province afin d'intervenir au moment opportun à l'endroit des éleveurs. On observe toujours la divagation du bétail sur les collines de certaines communes de la province Ngalo, alors que cette loi va être mise en application depuis le 4 octobre 2021. De Mwalo, Lydie Gahimbale pour la Radio Sanganiro. Lydie Gahimbari, il faut savoir que des centres naisseurs modernes sont en cours d'installation à Lisabou pour la promotion de l'élevage moderne. Lors de la présentation ce jeudi des réalisations annuelles, Deogui Derulema, ministre ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions, a promis que ces centres seront implantés dans tout le pays suivi. Nous sommes en train de créer des centres modernes à Lisabou dans le secteur de l'élevage pour promouvoir les éleveurs modernes privés et de créer aussi des centres naisseurs pour les bovins, les chèvres, les porcs et les volailles. Celui qui voudra pratiquer un élevage moderne de la race bovine laitière, il s'adressera à ces centres déjà installés. Nous sommes en train d'expérimenter à Lisabou des nouvelles races à viande sur les bovins et les porcs. Nous avons déjà élaboré une liste de ces centres qui sont éparpillés dans tout le pays. C'est notre préoccupation car ça figure aussi dans le programme de développement du pays. Le ministre Deogui Derulema était traduit en français par Moïse Misago. Après une courte pause, parlons gouvernance. Isanganiro. À 13h05 dans les cieux de la radio Isanganiro, les inondations et le changement climatique sont certaines causes qui ont freiné certaines coopératives à atteindre leurs objectifs de développement. C'est l'explication du directeur général du Fonds national d'investissement communaux après les séances d'évaluation des travaux de plus de 2900 coopératives se trouvant dans tout le pays. Cependant, Opessa Servilien Nitunga fait savoir que ces coopératives ont contribué à l'augmentation de la production agricole dans certaines provinces. Suivez-le, il est au micro de Jean-Marie Vianenguenakoumane. Dans la politique nationale du pays, le gouvernement a l'objectif de transformer les communes en pôles de développement. Mais le constat était que les coopératives ne peuvent pas devenir des pôles de développement sans qu'il y ait des mécanismes efficaces pour y arriver. Parmi ces mécanismes, on a jugé beau de sensibiliser la population pour se regrouper au sein des coopératives. Et c'est ainsi qu'il y a eu création des coopératives collinaires. Et le gouvernement a investi dans ces coopératives collinaires en donnant des subventions de crédit remboursables sur 2 ans de 10 millions par coopérative collinaire. Et quels sont les défis auxquels font face ces coopératives? Au cours de l'évaluation, on a constaté effectivement qu'il y a quelques défis qui ont été à la base de certains échecs. Là, je citerai par exemple que l'encadrement au niveau de ces coopératives, le management, c'est-à-dire la gestion en interne au sein de ces coopératives et le leadership au sein de ces coopératives, et parfois même les appuis conseils qui devraient être fournis par certaines institutions n'ont pas été efficace. Et je citerai quelques phénomènes naturels, par exemple les inondations, la sécheresse, les maladies des animaux, par exemple, qui ont décimé les porcs et parfois les chèvres et les poules, peuvent être à la base des échecs de certaines coopératives. FONIC est en train de s'y mettre pour voir les stratégies adéquates qui essaieraient à renforcer ces coopérateurs et les amener à la résilience pour effectivement faire face à ces défis et évoluer vers le développement. Tant qu'on parle de recettes communales, la commune Boussoni peut facilement recevoir 5 millions de taxes chaque année sur le rendement de poissons. Le problème réside dans la technique de conservation, car les pêcheurs utilisent les moyens archaïques pour enfumer les poissons avant de les mettre au marché à Boron Safari. Le lac Rweru, se trouvant en commune de Boussoni, est l'un des 8 lacs de la province de Kirundo, le plus rentable, comme le fait savoir Albert Hatungimana, gouverneur de Kirundo. Cette autorité, ancien administrateur de la commune de Boussoni, précise que le rendement journalier s'estime entre 2 à 3 tonnes de poissons. Mais, signale le gouverneur, le problème réside dans la conservation moderne de ces poissons avant leur vente. Les pêcheurs utilisent des moyens archaïques d'enfumer mais en utilisant les arbres, ce qui engendre la destruction de l'environnement. Il précise également que 100 millions de nos francs peuvent être versés sur le compte de la commune de Boussoni chaque année. Il demande aux bienfaiteurs d'ériger la chambre froide pour la conservation des poissons et également pour préserver l'environnement. Tout cela, le gouverneur de Kirundo l'a dit ce vendredi lors d'une descente d'une équipe des intervenants pour rendre Kirundo le grenier du pays comme elle l'était jadis. Dans cette descente en commune de Boussoni, ils ont visité un grand puits en construction par l'Ophonique qui va contenir 6 millions de litres et qui vont irriguer 570 hectares de la commune de Boussoni par l'utilisation de l'eau du lac Erguerou. Le coordinateur de cette équipe, le général-major Moussé Evariste, a demandé à ses intervenants de ne pas beaucoup traîner dans les études de la faisabilité du projet, mais plutôt qu'il faut démarrer avec les activités sur terrain. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Abraham Safar, quittons Kirundo au nom du Burundi pour nous rendre au sud, c'est à Bururi, où des incendies ravagent certaines parties de la réserve naturelle forestière d'Ovianda depuis ce dimanche. Emery Niyogushima, responsable de la protection de cette réserve, estime à environ 5 hectares l'étendue déjà réduite en cendres. Ce protecteur de l'environnement demande à la population environnante d'adhérer massivement à l'extinction de ces feux pour leur propre intérêt. Jean-Pierre Misako. Les habitants de la colline Tchabara, zone Kigwena, en commune province Rumonge, en collaboration avec les éco-gardes, éteignaient encore ce samedi matin les feux déclarés dans cette partie de la réserve naturelle forestière d'Ovianda. Le soir de ce vendredi, selon Emery Niyogushima, responsable de cette terre protégée, mais de tels incendies d'origine criminelle, selon ce protecteur de l'environnement, sont rapportés dans certaines parties de cette réserve depuis ce dimanche. C'est notamment Giheta, Gwambura, Gakere, Kaberenge et Kimwe, où on estime à 5 hectares l'étendue déjà partie en fumée. Emery Niyogushima reconnaît qu'une bonne partie de la population environnante répond aux activités d'extinction de ces feux, mais il y a encore, selon lui, d'autres qui ne sont pas encore gagnés à cette cause. C'est à cela que le responsable de la réserve naturelle forestière d'Ovianda demande de changer de comportement pour leur propre intérêt et à leurs responsables collinaires de contribuer dans la sensibilisation. C'est en effet, selon lui, en protégeant cette réserve, que la population environnante se mettra à l'abri des conséquences néfastes du dérèglement climatique et protégera la trentaine de chimpanzés y habitant, une espèce phare à l'origine du développement de l'écotourisme là où elle existe encore. Le code forestier de 2016 prévoit 3 mois à 1 an d'emprisonnement ou le paiement d'une amende comprise entre 50 000 et 200 000 francs burundais à celui ou celle qui refuse sans raison valable de participer dans l'extinction de tels feux, mais aussi des sanctions sont prévues aux auteurs de ces feux ou à ceux qui y font paître leurs vaches, rappelle le responsable de la réserve naturelle forestière d'Ovianda. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Jean-Pierre Misago, droits de l'homme enfant. Certaines associations de lutte contre les violences basées sur le genre trouvent que la loi sur les violences basées sur le genre est lacunaire. Ainsi, Nizigimana, représentante de l'association de Chile Hamwe en province et Muramvya, dit que certaines sanctions doivent être plus sévères et les demande une sensibilisation effective sur ce texte. Écoutez. Oui, il y a des avancées parce que par exemple, sur les unions libres, les gens sont sensibilisés. Partant de cette loi, il n'y a plus d'union libre dans notre province. Et il y a quelques problèmes qui surgissent car nous voyons que la femme n'est pas économiquement libre. Elle dépend de la situation familiale de son mari. lorsqu'il y a des plantes qui se font auprès de nous, quelquefois les femmes trouvent que les punitions données à leur mari peuvent handicaper le développement de la famille. Nous demandons que cette loi soit d'abord vulgarisée, que ça soit vulgarisé du niveau collinaire au niveau national, car il y a des personnes qui ne connaissent pas cette loi. Et cette loi est venue comme une remède pour le droit de l'homme et de la femme en particulier, de la femme, de la fille. Point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Douayo qui l'a mise en onde. Je ne vous quitte pas dans quelques secondes. Je vous présente la revue de la presse. Eli Nibel, Nivigira. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Diaspora, blabla, titre le journal Iwachu. Dans son éditorial, notre confrère commence par le rappel des mots de feu président tanzanien Pombe Magufuli en Kiswahili, Acha maneno, hapa kazeto, ce que veut dire trêve de parole, il faut joindre l'acte à la parole. Et c'est pour parler des promesses non tenues faites par la diaspora burundaise depuis 2013 et même avant. Il y a eu des ateliers faites par la diaspora burundaise depuis 2013 et même avant. Il y a eu des ateliers, des déplacements, des colloques et des recommandations à plusieurs points. Il y a eu des engagements, des promesses de notre diaspora, se rappelle l'éditorialiste. Iwachu regrette qu'aujourd'hui, en 2021, ce soit encore des conférences, les mêmes thématiques et jolis refrains autour de la contribution de la diaspora dans le plan national de développement. Il laisse entendre que certaines ont été déjà faites depuis quelques années. D'autres sont reformulées. Il ne sert à rien de nous promettre monts et merveilles, déplore-t-il. Ailleurs, nuance et l'hebdomadaire, la diaspora a son mot à dire dans l'économie du pays. Cependant, la nôtre reste politisée et divisée, trouve-t-il. D'ailleurs, tempère l'éditorialiste, ce n'est pas parce que nous sommes restés au pays que nous sommes de grands enfants à qui l'on vend du rêve, trêve de blabla, conclut notre confrère. Des sociétés minières dans le collimateur du gouvernement, interprète Burundi Echo. En effet, constate notre confrère, le Burundi a suspendu les activités des sociétés minières. Pour cause, l'État ne profite pas des ressources minières, rapporte-t-il. Il rappelle que depuis 2017, le pays s'est lancé dans la production industrielle des minerais. Des dizaines d'accords ont été signés avec des sociétés qui souhaitent travailler dans ce secteur. Selon l'éditorialiste de son numéro de Burundi Echo, la suspension des activités minières ne surprend personne, laissant remarquer les descentes sur terrain des autorités burundaises. Multipliée ces derniers jours. Certes, le pays tire entre 60 et 70 millions de dollars américains de l'exploitation minière chaque année, note cet hebdomadaire spécialisé dans les questions socio-économiques. Si les sociétés minières déchues portent plainte devant les tribunaux, prévient notre confrère, le gouvernement pourrait être amené à payer des pénalités pour dédommager la partie lésée. Mais le cas du Burundi n'est pas un cas isolé, d'après l'éditorialiste, car les pays de l'Afrique subsaharienne essaient de renégocier avec les multinationales. Cependant, les pouvoirs publics ne sont pas suffisamment outillés pour contrecarrer la percée des sociétés minières, s'afflige Burundi Echo. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse écrit sur la mise en garde de l'administration de Changhuzo à l'endroit des auteurs de feux de brousse. Cet avertissement a été lancé par le chef de cabinet du gouverneur de la province de Changhuzo lors de la réunion tenue mardi 27 juillet 2021 pour analyser les réalisations de la plateforme provinciale de la prévention des risques et la gestion des catastrophes, puis se fixer des perspectives d'avenir. Selon Pierre Claver Nakumuyango, des séances de sensibilisation sur les méfaits des feux de brousse se poursuivent et a promis des sanctions sévères, conformes à la loi, contre les auteurs de cette infraction. Au cours de cette réunion, organisée avec l'appui de l'Organisation internationale des migrations, Chantal Irakoze, administrateur de Changhuzo, a abordé dans le même sens que le chef de cabinet du gouverneur, signalant ainsi que 3 personnes étaient jusque-là arrêtées pour feu de brousse. Interdiction aux filles de rentrer tard dans la nuit évoluant, selon le collectif de blogueurs Yaga. Abba, la fille qui rentre tard dans la nuit. La blogueuse reprend cette phrase pour estimer qu'elle est souvent lancée par pas mal de parents ou qu'elle a été adressée à plusieurs filles. Elle trouve que cela démontre que la fille connaît toujours des blocages sociaux, partant de son témoignage d'une certaine Nadège. Elle reprend ces mots. Franchement, le traitement des parents à la maison est inadmissible. Je suis au stade d'anticiper mon mariage. Si mon type acceptait, j'irai vivre avec lui, dans de mauvaises conditions soit-elle, au lieu de rester dans cette captivité chez nous à la maison. Il faut donner une bonne éducation, reconnaît la blogueuse de Yaga, mais les parents doivent comprendre que les choses ont évolué pour ne pas rester dans la méthodologie éducative des enfants d'il y a 50 ans. Il faut plutôt multiplier des séances de dialogue afin de privilégier une éducation basée sur le respect mutuel. Et c'est la fin de cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été préparée et présentée par Elini Bel Nibigira. Excellent week-end à tous. Très bonne suite des programmes de la radio Isanganiro. Revue de la presse.